y a 25 ans, les exoplanètes, c'était Dagobah ou 30 heures, c'est-à-dire un domaine peu ou prou réservé à la science-fiction. Et puis, il y a eu la découverte de 51 Pegasi B par Michel Mayor et Didier Queloz, qui leur a valu un prix Nobel. Et depuis, les découvertes d'exoplanètes tombent par paquet chaque semaine, ou presque. Le nombre d'exoplanètes confirmées aujourd'hui s'élève à plus de 4000, mais une fois qu'on les a observées, que se passe-t-il ensuite? Comment obtenir plus d'informations sur ces planètes, parfois sur ces systèmes, sur la composition des planètes et in fine sur leur atmosphère, avec en tête forcément le désir de détecter une biosignature, voire une trace de vie. Exoplanète, il y a quelqu'un, c'est le programme Habité qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir explorer ces mondes inconnus et comprendre surtout comment nous pourrons peut-être un jour en savoir plus, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Marie Lagrange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Et Franck Celsis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, mais on commence par faire le tour de l'actualité scientifique de notre bonne vieille planète. Et c'est avec Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, je ne sais pas si Antoine Beauchamp est avec nous, Antoine. Antoine n'est pas avec nous, donc eh bien écoutez, il n'y aura pas de Journal des Sciences pour le moment, peut-être qu'on le fera un peu plus tard dans l'émission, on va partir directement sur notre programme du jour. 4151 exoplanètes confirmées, un peu moins de 4500 candidates, ce qui nous fait un total aux alentours de 10 000 planètes ou supposées, observées ou devinées pour la plupart dans notre galaxie. La liste des exoplanètes ne cesse de s'allonger et devrait continuer à le faire avec les prochains télescopes spatiaux ainsi que les prochaines campagnes d'observation depuis les télescopes terrestres, mais in fine, pourquoi? Vous allez me dire, pour trouver des traces de vie, pour essayer de détecter la présence d'une autre forme de vie que la nôtre dans notre vaste univers, certes, mais pour trouver des traces de vie, le chemin est encore long. Que cherche-t-on exactement lorsqu'on scrute ces systèmes? Et surtout, que peut-on aujourd'hui en savoir et qu'attend-on des technologies de demain? Deux systèmes vont retenir tout particulièrement notre attention aujourd'hui, celui de Beta Pictoris et celui de TRAPPIST-1. Écoutez ce que disait à propos de ce dernier Michel Vizeau, nous sommes en 2017. Grâce aux télescopes spatiaux Hubble, Corot et Kepler, grâce également aux grands télescopes au sol comme celui du désert d'Atacama au Chili, on peut aujourd'hui voir au-delà de notre système solaire et chercher, fouiller l'univers en quête d'une planète viable. D'abord, c'est un intérêt pour les astronomes qui essayent à travers cette zoologie des exoplanètes de comprendre la formation des systèmes solaires, l'évolution des étoiles et l'évolution de la galaxie. Donc ce sont des choses qui nous concernent à très long terme, certes, mais qui font partie de la connaissance. La deuxième, c'est essayer de trouver s'il y a des endroits où il aurait pu y avoir de la vie sur une autre planète. Trouver une autre Terre habitable, c'est le rêve ultime de tous ces chercheurs de planètes. Mais une chose est de la trouver, une autre est de s'y rendre. Alpha Centauri bébé, même si elle est la plus proche de notre Terre, ne serait aujourd'hui accessible qu'après un voyage de 4000 ans. Voilà ce reportage consacré à la découverte de TRAPPIST-1 sur laquelle, sur lequel, puisque c'est le système sur lequel nous allons revenir, une réaction peut-être simplement, Franck Celsis, à ce que vous venez d'entendre. Oui, alors TRAPPIST-1, ça fait partie des cas un petit peu étonnants de la diversité des exoplanètes. Simplement sur le pourquoi, effectivement, c'est en décryptant un peu cette diversité qu'on comprend un peu tous les mécanismes qui donnent la formation des planètes, la formation des atmosphères, qui finalement vont nous permettre de comprendre ce qu'est l'habitabilité. Donc c'est en explorant cette grande diversité que l'on peut, je dirais, mieux comprendre tous les processus dans l'histoire d'une planète, dans son évolution. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on mène cette exploration. Vous disiez, Franck Celsis, et c'est intéressant, on regarde les planètes avec en tête immédiatement la question de la vie, hein, c'est un peu d'ailleurs ce que je disais sous forme de clin d'œil dans mon introduction, mais finalement, chercher systématiquement la vie, ça finit par se transformer en biais d'interprétation ou en biais d'exploration. Alors oui, parce que cette approche de chercher la vie, finalement, elle se résume souvent à chercher une autre terre, voire à chercher un autre couple soleil-terre, et sans trop savoir finalement quels sont les paramètres qui ont été importants dans l'origine de la vie sur Terre et dans son évolution, on va se dire bon, ben on sait que ça a marché pour nous. On va aller chercher des analogues, donc des planètes de taille, de température terrestre, autour d'étoiles de type assez solaire. Et ça, c'est vrai que ça peut biaiser les projets de recherche, d'observation. Tous les projets ne sont pas biaisés ainsi, hein. La plupart du temps, en astronomie, ben, on va là où on a quelque chose à voir, là où on peut voir quelque chose. Donc essentiellement, on est surtout biaisé par nos possibilités d'observation. Mmh. Et donc, on va aller regarder des étoiles qui sont proches de nous, des petites étoiles, par exemple, si on veut s'intéresser aux petites planètes. Voilà, mais on a certainement un biais, oui, qui nous emmène peut-être à trop regarder, à trop se limiter dans nos choix de cibles. Anne-Marie Lagrange, votre point de vue sur ce biais qu'on retrouve d'ailleurs très régulièrement, alors un peu moins maintenant parce qu'il y a eu beaucoup d'exoplanètes, je le disais, plus de 4000, et du coup c'est devenu un peu commun, mais on voit bien que régulièrement ce qui ressurgit à la une de certains sites ou de certains médias même généralistes, c'est l'idée de dire ah, on a trouvé une jumelle de la Terre, une Terre super habitable, on a des signes d'un océan liquide, et donc on voit bien qu'il y a quelque chose, en tout cas un appétit dans la narration pour la recherche du vivant et pour la recherche de ce qui est le plus similaire à ce que nous connaissons nous ici sur Terre. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu un très gros appétit de recherche de semblable à ce qu'on connaît de la vie sur Terre aujourd'hui. Et moi, je pense que quand même l'intérêt, de mon point de vue, beaucoup de comprendre les origines. Comment le système solaire s'est formé, mais aussi quelle est la variété, la diversité des systèmes planétaires. Et c'est en essayant d'observer cette diversité qu'on va s'extraire le plus des biais dont vous parliez. Et on va voir, comme le disait Franck Celsis d'ailleurs, que ces biais-là, ce sont aussi des biais d'observation par rapport bien non seulement aux limitations des technologies qui nous permettent d'observer l'espace, mais également la position de notre planète dans la galaxie et même la position finalement des différents points d'observation. On va en reparler. Peut-être une question, ce qui est intéressant en tout cas, Franck Celsis, c'est que sur cette volonté, sur cette quête en quelque sorte de similarité, eh bien pour le moment, cette quête est plutôt déçue parce qu'on se rend compte, plus on observe, que notre système solaire est particulièrement atypique par rapport à ce qu'on est en train d'observer parmi ces 4000 exoplanètes et quelques. Alors, bon, là, il faut faire un petit peu attention. Si tous les systèmes exoplanétaires étaient des strictes répliques du système solaire, aujourd'hui, on n'en aurait quasiment détecté aucun parce que c'est extrêmement difficile à voir. Peut-être que les seuls qu'on aurait détectés aujourd'hui seraient des analogues de Jupiter jeune avec les méthodes dont va nous parler Anne-Marie plus tard. Sinon, par les autres méthodes de détection, détecter une planète comme Jupiter autour d'un soleil, c'est compliqué. Détecter une Terre autour d'une étoile comme le soleil, c'est encore plus. Donc, il est difficile, connaissant ce biais, de dire que le système solaire est très atypique. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des étoiles ont des systèmes qui, effectivement, ne ressemblent pas au système solaire. Notamment, la majorité des étoiles, plus d'une étoile sur deux, a des planètes qui sont de taille et de masse intermédiaire entre les planètes telluriques et les géantes glacées, donc quelque chose qui est entre la Terre et Uranus ou Neptune, est très proche de l'étoile, très chaud. Donc, dans la galaxie, il y a pléthore comme ça de systèmes avec ces planètes intermédiaires très chaudes, ces super-terres ou ces sous-Neptune très chauds. C'est vrai que ce type de système pourrait passer pour un petit peu la norme, même si au sein de ces systèmes, il y a aussi une grande diversité. Le problème dans le fait de dire le système solaire est atypique, c'est quels sont les paramètres qui nous permettent de définir le système solaire en tant que tel. Si, par exemple, on prend le Soleil, Eh bien, selon comment on va déterminer, accepter ce qui est une étoile de type solaire, mais on va déjà limiter la population des étoiles de la galaxie à peut-être 10% des étoiles. Si on prend dans ces 10% d'étoiles celles qui ont une planète géante, un Jupiter, sans forcément avoir des caractéristiques très proches de Jupiter, on va encore diminuer d'un facteur 10. Donc on sera une étoile sur 100, etc. Mais ceci, et ainsi de suite. Et si on rajoutait Saturne, on va finalement, effectivement, trouver toutes les particularités du système solaire. Mais ce jeu, je pourrais le jouer avec n'importe quel système planétaire pris au hasard. Beta Pictoris, Trappist-1, n'importe lequel, je pourrais dire, ah, mais celui-là, il a ça, ceci, ceci de particulier. Donc il y a des points qui sont communs à tous les systèmes, à beaucoup de systèmes. Mais si on va chercher dans les détails, eh bien, chacun peut être présenté comme assez unique. Et la grande question, c'est de savoir, dans ces caractéristiques, par exemple pour nous, qu'est-ce qui a compté? Quels sont parmi ces paramètres, ces contraintes, qu'est-ce qui a compté pour l'émergence de la vie et son évolution? Et ça, c'est quelque chose qui est très mal connu, voire pas du tout. Anne-Marie Lagrange, vous partagez ce point de vue de Franck Celsis. Aujourd'hui, sur Terre, on serait incapable d'identifier, de repérer, de décrire un système qui serait similaire au système solaire? Ah oui, tout à fait. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait avec une collègue, Nanèche Meunier, à Grenoble, une simulation reprenant toutes les caractéristiques qu'on pouvait connaître sur le Soleil, et on a essayé de voir ce qu'on verrait, ce qu'on observerait du Soleil si c'était une étoile comme une autre. Et on a essayé de voir en particulier si on pourrait détecter la Terre avec la méthode qui a permis la détection de 51 Pégase B, les vitesses radiales, et on a montré que la Terre ne serait pas détectable à cause du bruit du Soleil. À cette époque-là, les gens ont été extrêmement déçus. Certains ont été très, très mécontents et ne croyaient pas à nos résultats, d'ailleurs. Et maintenant, malheureusement, c'est avéré. Il faut être capable de combattre le bruit de l'étoile à un niveau qu'on n'est pas encore capable de faire aujourd'hui si on veut détecter une vraie analogue de la Terre autour d'un analogue du Soleil. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h13, nous parlons donc des systèmes exoplanétaires en compagnie d'Anne-Marie Lagrange et de Franck Celsis. Et on va parler, je vous l'ai dit, de deux systèmes en particulier sur lesquels ont travaillé chacun de nos invités, Trappist-1 et Beta Pictoris. Mais j'aimerais qu'on commence peut-être l'un et l'autre par se rafraîchir la mémoire. Comment est-ce qu'on observe aujourd'hui, depuis la Terre ou depuis l'espace, les exoplanètes? Il y a deux méthodes particulières. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous les rappeler, Franck Celsis, pour commencer? Oui, alors je vais laisser Anne-Marie parler des méthodes qui sont plus directes, hein, qui consistent à vraiment imager la planète, bien que récemment, justement, son équipe a fait un travail assez formidable en utilisant toute une gamme de méthodes différentes en même temps. Mais les façons qui ont donné le plus de détection sont dites indirectes. Donc, on a parlé de la méthode qui a permis de détecter 51 PEG, qui est la méthode des vitesses radiales, qui consiste en fait par spectroscopie à haute résolution. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça permet par effet Doppler, de mesurer la vitesse d'une étoile. Et quand on fait ça, on fait des mesures régulières, fréquentes de la vitesse de l'étoile, et on essaie de voir des modulations, des variations périodiques de cette vitesse qui correspondraient à un mouvement orbital de l'étoile, qui serait le mouvement orbital de l'étoile autour du centre de masse de l'étoile et d'une planète. On dit une planète tourne autour d'une étoile, mais l'étoile a aussi un mouvement orbital associé à la planète, mais qui est beaucoup plus réduit en amplitude. Donc l'idée, c'est de détecter ce mouvement-là. Alors on pourrait le faire en mesurant les positions. C'est pas encore quelque chose qui donne des résultats. On attend des résultats de ce type-là avec un télescope spatial qui s'appelle Gaia. Mais sinon, on est très fort pour mesurer très précisément la vitesse et par effet Doppler. Et donc on a pu comme ça mettre en évidence un grand nombre de planètes par cette méthode dite des vitesses radiales. Mais on a un problème pour aller vers les petites planètes, comme le disait Anne-Marie, le bruit de l'étoile, les mouvements convectifs dans l'étoile, les tâches, etc. Ça fait ça fait que ce signal est assez bruité. Une autre technique qui a donné aujourd'hui le plus de détections, ce sont les transits. Mmh. C'est-à-dire que dans certains cas, on a la chance, nous observateurs, d'être dans le plan orbital de la planète du système qu'on regarde, et la planète va passer à chaque révolution devant le disque de son étoile, et à ce moment-là, produire une petite baisse de luminosité apparente. Et cette petite baisse de luminosité, sa profondeur va nous donner le rayon de la planète, et sa périodicité de ces éclipses va donner la période orbitale. Et on peut coupler les méthodes et avoir à la fois la masse et le rayon. Et puis peut-être que pour les autres méthodes, je vais laisser la parole à Anne-Marie. On voit bien déjà, hein, dans ce que vous dites, les biais que ça induit. Par exemple, pour la méthode des transits, il faut effectivement qu'on soit dans le même plan que le passage des planètes devant le Soleil. Donc ça, on imagine, on exclut tout un tas. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter effectivement cela, Anne-Marie Lagrange, et nous dire surtout quel type d'informations on peut obtenir de chaque type de méthode d'observation? Alors, ça va dépendre des types d'observations. En gros, à peu près à chaque fois, on va déterminer la période de la planète, donc sa distance à l'étoile. Après, ça va varier. Dans la méthode des vitesses radiales, on va obtenir la masse minimum de la planète. Par la méthode du transit, on va mesurer son rayon. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même information. Et c'est pour ça que ces méthodes sont complémentaires. Maintenant, si on s'intéresse à l'imagerie directe, où là, on cherche à mesurer directement la lumière en provenance des planètes, là, on va voir vraiment les planètes sur un détecteur. On va pouvoir les voir tourner autour de l'étoile dans certains cas. Donc, on aura un accès direct aux paramètres orbitaux de la planète. On pourra aussi, ce qui est très très important pour le futur en particulier, on pourra coupler ces données à des spectrographes qui vont nous permettre d'analyser la composition chimique de l'atmosphère de la planète. Et du coup, aujourd'hui, donc on peut évidemment recouper. Est-ce que d'ailleurs il y a beaucoup d'exoplanètes ou beaucoup de systèmes exoplanétaires pour lesquels on a pu recouper ces différentes méthodes d'observation et donc avoir finalement une somme d'informations relativement conséquente sur la nature des planètes qui orbitent autour de ces étoiles, Anne-Marie Lagrange? Non, alors en fait, jusqu'à présent, les astronomes utilisaient ces grandes classes de méthodes, si vous voulez, les vitesses radiales, les transits, l'imagerie, et les gens se parlaient assez peu. Il y avait des colloques dédiés aux vitesses radiales ou aux transits ou aux méthodes indirectes, puis de l'autre côté à l'imagerie, parce que les techniques ne sont vraiment pas les mêmes. Et de fait, il y a très peu de systèmes pour lesquels on a à la fois des données de vitesse radiale et d'imagerie, parce que les méthodes indirectes sont sensibles aux planètes qui sont proches de leur étoile, et l'imagerie est sensible aux planètes qui sont plutôt loin. Et en fait, il y a seulement dans le cas de Beta Pictoris, dont on va parler tout à l'heure, où l'on a des données sur l'ensemble, on a des données à la fois, des données indirectes, des vitesses radiales, d'une part, et de l'imagerie, d'autre part. Franck Zelsis, sur ces recoupements de méthodes d'observation, aujourd'hui, quel est le système ou l'exoplanète sur laquelle on a a priori le plus grand nombre, la plus grande quantité d'informations qui permet de la décrire? Alors ça, c'est compliqué. Parce que, par exemple, le système TRAPPIST-1, où on a beaucoup d'informations, en fait, on n'a qu'une méthode de détection, qui sont les transits. On n'a pas les vitesses radiales, et pourtant, c'est le système sur lequel les masses sont déterminées avec le plus grande précision. On pourra y revenir, oui, parce que ce sont vos travaux, et on va revenir dessus dans quelques minutes. Après, il y a des systèmes comme, par exemple, alors c'est juste une planète, je dis système, mais il y a donc qui est, enfin, c'est un système. Il y a une exoplanète qui est très bien caractérisée, enfin c'est toujours pareil, très bien, qui est K2-18b, où on a une estimation de son rayon, de sa masse, et on a un assez joli petit spectre atmosphérique. Bon, on a ça pour un certain nombre de planètes très proches de leur étoile, des Jupiters chauds, des Neptunes chauds. En fait, j'ai cité K2-18b parce qu'elle était un petit peu moins chaude que les autres, et c'était un petit peu une prouesse d'obtenir ça. Mais sinon, oui, Beta Pictoris, c'est quand même un... Alors en plus, c'est un système jeune, on en reparlera. Ça, on va revenir dans la deuxième partie tout à l'heure. Voilà, c'est un système qui cumule beaucoup de choses. Mais voilà, on a un certain nombre de planètes pour lesquelles on a la masse et le rayon, et quelques contraintes sur la composition atmosphérique. Dans la grande majorité des cas, ce sont des planètes géantes chaudes très proches de leur étoile. Dans quelques cas, ce sont des petites planètes. Excusez-moi, ce sont des petites planètes un peu plus, je dirais, terrestres, mais c'est très rare. K2-18b, on en avait parlé notamment parce qu'on avait découvert ou en tout cas retrouvé des traces de vapeur d'eau dans son atmosphère, et on pourra revenir d'ailleurs tout à l'heure sur la ciliature et sur l'observation des atmosphères de ces exoplanètes. Un dernier mot peut-être un peu générique avant de passer à l'un de nos deux systèmes du jour. Anne-Marie Lagrange, est-ce que vous pourriez nous faire une sorte de typologie un peu aujourd'hui des exoplanètes que l'on a observées par genre, par quantité, justement ces Jupiter géants, ces Neptune chauds, ces super Terres. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près comment ça se répartit dans les 4151 ou 251 exoplanètes que l'on a répertoriées aujourd'hui et confirmées? Alors déjà, la plupart, comme vous l'avez dit, ont été détectées par la méthode des transits. Donc ce sont toutes des planètes qui sont très proches de leur étoile, à peu près peut-être une fois la distance de la Terre au Soleil, donc très très proche. Il y a beaucoup de super-Terres ou de Neptune, donc ça, ce qui nous fait penser que c'est un type d'objet qui est très très très fréquent. Il y a ceux qui me paraissent très très intéressants, ce sont les fameux Jupiter chauds, comme 51 Pégase B, dont on sait qu'ils ne se sont pas formés in situ, mais ils ont dû migrer vers l'étoile ou se déplacer vers l'étoile. Donc ça, c'est vraiment des bêtes extrêmement intéressantes. Des bêtes. Oui, et de l'autre côté, de l'autre côté, il y a des planètes qui sont situées très très loin de leur étoile, bien au-delà de l'orbite de Neptune, d'Uranus ou de Pluton dans le système solaire. Après, il y a des planètes qui ont des configurations un peu particulières, dont on pense qu'elles sont entourées de glace ou d'eau. Voilà, c'est à peu près le panorama. La répartition dont je dispose et que je vous soumets, c'est les Jupiter classiques, c'est-à-dire 5,7 à 11,3 rayons terrestres, un peu plus de 5% du total, des Neptunes de grande taille, des grandes Neptunes un peu moins de 5%, des petits Neptunes entre 3 et 4 rayons terrestres plus de 40%, les super-Terres de l'ordre de 30% et les Terres, c'est-à-dire finalement ce qui ressemble le plus à notre planète, environ un tiers également. Ça vous paraît cohérent comme chiffre, Anne-Marie Lagrange? Je ne suis pas sûre. Ah. Je ne suis pas sûre parce que non, si c'est ce qui a été détecté jusqu'à maintenant. Mais comme on a dit en début d'émission, il y a un très gros biais. Des équivalents de Jupiter ou de Saturne qui seraient ne serait-ce qu'à la distance de Saturne autour des étoiles de type solaire, on ne les détecterait pas. Ou on les détecterait extrêmement pour les étoiles les plus simples, les plus classiques. C'est, du coup, moi je crois qu'on ne sait vraiment pas la proportion de géantes dans les planètes, dans les exoplanètes. Franck Zelsis, sur cette répartition? Alors deux choses, oui, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Marie. On a dans certains cas que des limites inférieures sur l'abondance, en particulier sur les planètes géantes, on va dire, de distance intermédiaire, donc comme celles qu'on a dans le système solaire. Et on attend très très impatiemment les résultats de Gaïa sur ces objets-là. Pareil pour les petites planètes, pour des étoiles de type solaire. On a un recensement qui commence à être intéressant sur les petites planètes, donc de taille terrestre, autour des petites étoiles. Mais par contre, les petites planètes autour d'étoiles de type solaire, là, on est encore dans le vague. Une chose peut-être qu'il est importante à dire, c'est que quand on ne connaissait que le système solaire, on avait des belles catégories de planètes. On avait les telluriques, on avait les géantes, et on avait les géantes glacées, qui non seulement se distinguaient très bien en catégorie de masse et de rayon, mais en plus se distinguaient dans leur occupation de l'espace, hein, avec les telluriques près de l'étoile, les géantes et les géantes glacées encore plus loin. Et ça, peut-être une des premières choses à dire, c'est que on n'est plus trop c'est peut-être que pour ça que Anne-Marie et moi sommes un peu décontenancés par cette espèce de listing de catégories, c'est qu'on ne sait plus trop faire des catégories pour les exoplanètes. à part peut-être des cas évidemment très particuliers comme les Jupiter chauds qui sont quand même rares, c'est qu'il y a un continuum, c'est-à-dire je ne saurais pas tellement vous placer où est la limite, où est la frontière entre les telluriques et les géantes glacées, entre les géantes glacées et les géantes, et ni en termes de masse, de rayon, ni en termes bien sûr de distance orbitale où on trouve tout un peu n'importe où. Donc ces catégories sont extrêmement artificielles et je dois dire que nous astrophysiciens les utilisons assez peu. De la même façon que le nombre total de planètes détectées, on ne le suit plus guère. Ce qui nous importe, c'est la fraction des étoiles qui ont des planètes, et cette fraction est très élevée. La majorité des étoiles ont des planètes, et du coup, on n'est plus en train de parler de milliers de planètes, on est en train de parler de planètes qui sont partout, partout où il y a des étoiles, et des étoiles, il y en a 100 milliards dans la galaxie. C'est pour ça que, à la fois, l'aspect catégorie nous échappe un peu, et puis l'aspect simplement numéraire aussi. Et plus que l'aspect nombre, ce qui nous intéresse, c'est justement c'est de trouver des systèmes qui ont des caractéristiques observationnelles extrêmement favorables qui nous permettent de faire beaucoup de science, en fait, dessus. Alors justement, puisqu'on parle de système Frank Celsius, si je vous dis par exemple pour 400, un système à 39 années-lumière de la Terre composé de 7 planètes telluriques en orbite autour d'une naine ultra-froide, vous me répondez ? Trappiste 1. Vous me répondez, qui est Trappiste 1, Frank Celsius ? Vous connaissez les règles. Bon, on va parler de ce système, puisque vous avez... vous pouvez d'ailleurs peut-être commencer par nous rappeler comment on l'a découvert et pourquoi il a enthousiasmé particulièrement la communauté astrophysique. Alors, l'idée de chercher un système comme Trappiste, c'est surtout l'idée de chercher des petites planètes d'intérêt éventuellement astrobiologique, donc des planètes de taille et de température terrestre, autour des plus petites étoiles possibles. L'idée étant qu'on a réalisé assez vite que si on trouvait des planètes analogues à la Terre, des planètes de taille de température terrestre, mais autour d'étoiles, de grosses étoiles, disons d'étoiles comme le Soleil, voire même d'étoiles plus petites, mais pas assez petites, on aurait beaucoup de mal à en caractériser l'environnement, à en caractériser l'atmosphère. Même avec un télescope comme le futur télescope spatial James Webb, on n'arriverait pas à sortir un signal atmosphérique. Et on a simplement dit, qu'est-ce qu'il nous faudrait comme système pour pouvoir, sur ces planètes-là, trouver une atmosphère, pouvoir caractériser une atmosphère. On s'est dit, ben, il faut aller vers les plus petites étoiles. Donc on a lancé des programmes d'observation sur les plus petites étoiles possibles, voire même ce qu'on appelle des naines brunes, c'est-à-dire des objets qui sont un peu entre les planètes géantes et les étoiles, pour voir si elles avaient des planètes. Et on a eu énormément de chance. Donc on a fait ça depuis le sol avec un télescope qui avait été reconverti par les gens de l'université de Liège, mené par Michael Gillon, un télescope qui s'appelle Trappiste, qui est au Chili, et qui était reconverti pour faire ça, qui traquait en fait les transits autour de certaines des plus petites étoiles et des naines brunes. Et assez vite, on a trouvé une de ces étoiles, qu'on a appelée Trappiste 1, qui avait au moins deux ou trois planètes. Et donc c'était vraiment formidable. Et là-dessus, on a obtenu du temps pour observer ce système avec le télescope spatial Spitzer. On a obtenu 3 semaines en continu d'observation, ce qui nous a permis d'avoir une trentaine de transits. Et on a eu la surprise de voir qu'en fait, il y avait 7 planètes. Et ces planètes-là, mais on continue de les observer. On raffine énormément les observations et on verra qu'on peut aussi arriver à les peser, ce qui est étonnant. C'est un système assez fascinant qui permet de faire beaucoup, beaucoup de sciences planétaires. Et on s'aperçoit qu'on a eu en fait énormément de chance de le trouver puisqu'il a été trouvé en 2016, début 2016. Et donc ça fait maintenant 4 ans. Et avec un télescope qui était expérimental Trappiste, on a aujourd'hui des télescopes de bien meilleure qualité pour le faire, qui s'appelle Speculoos, toujours sous l'impulsion belge. Et puis, on n'a rien trouvé depuis, et on est capable de mettre une limite sur l'abondance de ces planètes telluriques autour des toutes petites étoiles, et elle est pas très élevé, et on s'aperçoit qu'on a eu énormément de chance de trouver ce système. Oui, il faut préciser que sur ces 7 planètes, bon, d'une part, elles sont toutes telluriques, et d'autre part, elles sont extrêmement proches de cette étoile qui est très petite et très froide comparée à notre Soleil, puisque toutes les 7 planètes de Trappiste sont comprises dans l'espace qu'il peut y avoir entre Mercure et notre propre Soleil, donc c'est un système extrêmement compact. Oui, très largement. C'est en termes de période orbitale, les périodes vont de 1 jour et demi, donc la période de révolution autour de l'étoile, de 1 jour et demi pour la plus interne, à 18 jours environ pour la plus externe. Et en termes de distance orbitale, on est à, je sais pas moi, de l'ordre du pourcent de la distance Terre-Soleil. C'est un système en fait qui a beaucoup d'analogies avec le système des satellites galiléens, des quatre lunes principales de Jupiter. Déjà l'objet central Trappiste-1, qui est 100 fois plus massif que Jupiter, mais qui a le même rayon. Les périodes orbitales sont similaires, hein. On a des périodes orbitales de l'ordre de quelques jours. Et on a des rapports de masse entre l'objet central et les planètes, donc entre Trappiste-1 et ses planètes, ou entre Jupiter et ses lunes, qui est similaire. Et on a ce qu'on appelle une chaîne de résonance, c'est-à-dire qu'en fait, on a des périodes qui se succèdent dans des rapports entiers. Par exemple, dans le système de Jupiter, quand la Lune, je vais sûrement dire n'importe quoi de tête, mais quand la Lune Ganymède fait un tour, Europe doit en faire deux et Io doit en faire un. Et on a le même genre de choses, de configurations résonantes sur Trappiste. Donc on a un système qui ressemble un peu au système de Jupiter, sauf qu'on n'a pas des petites lunes de la taille de notre Lune, on a des objets de la taille de la Terre. Et alors, ce qui est intéressant, Franck Celsi, c'est que vous avez tout récemment publié justement des travaux, notamment avec Eric Argol, sur une détermination extrêmement fine des masses, des rayons et des paramètres orbitaux de ce système. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ouais, d'une part, comment vous avez travaillé et quelle est justement cette information, la précision des informations que vous avez réussi à obtenir pour caractériser ce système de Trappiste-1? Oui, alors, donc on a déjà dit que quand on arrivait à mesurer le mouvement orbital de l'étoile liée aux planètes, donc ce qu'on appelle les vitesses radiales, on pouvait arriver à déterminer les masses, mais on ne sait pas encore le faire pour Trappiste-1. On est en train d'essayer d'observer ça, notamment avec un instrument qui s'appelle Spirou, qui est à Hawaï. Mais c'est un signal très faible, comme l'a dit Anne-Marie, détecter les vitesses radiales pour des petites planètes, même quand, comme ici, l'étoile est plus petite, on gagne un facteur 10. Mais bon, ça reste quand même des mouvements d'amplitude de l'ordre du mètre par seconde. Mesurer la vitesse d'une étoile à 1 mètre par seconde, c'est quand même très compliqué. Mais là, il se trouve qu'on a énormément de transits, donc d'éclipses, de passage des planètes devant l'étoile. On en a observé beaucoup, des centaines, avec des télescopes spatiaux et des télescopes au sol. Et ce qui se passe, c'est que les planètes n'étant pas isolées, elles sont en interaction avec les unes avec les autres, et donc leurs orbites ne sont pas strictement régulières. Elles se perturbent les unes les autres. Elles se perturbent mutuellement, et on arrive à voir, en mesurant, en chronométrant très précisément ces transits, on arrive à voir les écarts. Parfois une petite avance, parfois un retard qui peut être de 1 minute, 10 minutes, parfois pas loin d'une heure, par rapport à ce que serait une orbite idéale si la planète et son étoile étaient seules. C'est par exemple ainsi que Le Verrier avait, en constatant les irrégularités sur l'orbite d'Uranus, il avait déduit l'existence et la position de Neptune. Il avait aussi, par cette méthode, aussi en utilisant les transits de Vénus et de Mercure devant le Soleil pour bien déterminer leurs éphémérides, il avait aussi ainsi déterminé leur masse. Et bien de cette façon-là, comme ces perturbations dépendent des masses, et bien on a pu contraindre les masses des planètes de Trappiste-1, mais avec une précision assez formidable, puisqu'on est à quelques pourcents. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on arrive à peser les planètes dans un système qui est à 40 années-lumière, avec une précision qui était de l'ordre de la précision qu'on avait sur Vénus, la masse de Vénus ou la masse de Mercure au milieu du XXe siècle. Et cette précision va s'améliorer. Alors comme on a aussi une très bonne connaissance des rayons à force de cumuler les transits, eh bien on commence à avoir cette relation entre la masse et le rayon, la densité des objets, qui commence à pouvoir nous dire des choses sur la composition de ces planètes. Et en l'occurrence, quel est pour conclure sur cette partie-là, quels sont les détails que vous avez pu obtenir justement grâce à ces travaux? Il faut rappeler que a priori, ce dont on se doute pour le moment à propos de ces 7 planètes telluriques du système Trappiste-1, c'est que elles sont plutôt de type terrestre, c'est-à-dire relativement petites. Jusqu'où peut-on pousser l'interprétation de vos données en quelque sorte, Franck Celsi, pour comprendre exactement la nature et la structure de ce système? Alors c'est un peu la limite, c'est que quand vous avez la masse et le rayon d'une planète, vous pouvez exclure certaines compositions, mais dans celles que vous ne pouvez pas exclure, il y en a un certain nombre, c'est un problème dégénéré. Là, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que on peut obtenir la relation entre la masse et le rayon pour les 7 planètes de Trappiste-1 avec une même composition qui est à peu près la composition de la Terre. C'est un peu moins dense. Alors soit peut-être il y a des noyaux de métal un peu moins massifs, il y a une proportion de métal un peu moindre, ou alors il y a une proportion d'eau et de composés volatiles un peu plus élevée que sur Terre, ou un peu les deux, ou encore une autre solution. Donc la prochaine étape pour contraindre ces scénarios, c'est aussi d'avoir une information sur l'atmosphère, qu'on n'a pas aujourd'hui. On ne sait pas si ces planètes ont une atmosphère. Mais on est capable aujourd'hui de dire que voilà, ces planètes ont une composition assez proche de celle de la Terre, et une composition qui semble être la même pour ou à peu près la même pour les 7 planètes et qui est très proche de celle de Vénus ou de la Terre, par exemple. On a pu lire dans des articles, parfois pas toujours sérieux ou un peu racoleurs, que dans le système Trappiste-1, il y avait des planètes océans ou des planètes super habitables. Pour le moment, on est incapable d'affirmer ce genre de choses. Oui, non. On avait eu l'impression, avec les premières estimations des masses au début, par cette même méthode, mais avec moins de transit et moins de précision, on avait l'impression qu'elles étaient moins denses que ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc, on avait poussé l'analogie avec le système de Jupiter et ses lunes glacées un petit peu trop loin, en se disant mais peut-être que voilà, ça va même plus loin l'analogie, et on doit avoir des planètes qui correspondent un peu à la composition des lunes glacées, Ganymède, Callisto, etc., qui sont composées de beaucoup d'eau. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut exclure aujourd'hui. Si ces planètes peuvent avoir de l'eau, mais l'eau n'est pas un constituant majeur important. C'est, il n'y a pas plus que je dirais quelques pourcents d'eau sur ces planètes. Pour vous donner une idée, sur Terre, la fraction en masse de l'eau, c'est moins de 0,1%. Donc ça, c'est le fait de ne pas voir la signature de l'eau dans la densité de la planète. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il n'y a pas d'océan. Mais par contre, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout. On va continuer à discuter de ces systèmes exoplanétaires complexes. Après avoir parlé de Trappiste, on va parler dans un instant de Beta Pictoris avec Anne-Marie Lagrange. Et puis, on va surtout se demander, avec les nouveaux instruments, et notamment le très attendu James Webb Space Telescope, qui doit, si tout va bien, être lancé cette année, eh bien, comment on va pouvoir poursuivre ces investigations autour de ces exoplanètes, à la recherche de plus d'informations, et puis évidemment, comme toujours, peut-être d'une petite biosignature par-ci par-là. It's been cloudy for days. I'm too far to reach, too scared to speak. I'll just stay inside. I don't sleep at night. Lost in my ghost world. Don't put up a fight. Now I'm out of breath, just awaiting nightfall. If the reason finds us, space stars dreaming. Oh. Stories and Poetry de November Polaroid à 16h38 sur France Culture, comme toujours en soutien à la scène musicale indépendante française. Vous pouvez nous écrire d'ailleurs si vous êtes concerné, si vous faites de la musique, que vous voulez être diffusé. On continue pendant toute cette crise sanitaire à donner un petit coup de pouce aux groupes indépendants français. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Anne-Marie Lagrange et de Franck Celsis pour parler d'exoplanètes, de systèmes exoplanétaires. Anne-Marie Lagrange qui est directrice de recherche CNRS au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, et Franck Celsis qui est directeur de recherche au Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. On parle depuis tout à l'heure d'exoplanètes pour la plupart extrêmement lointaines, vers lesquelles il semble impossible aujourd'hui en tout cas de pouvoir envoyer une sonde pour faire de l'observation directe. Les distances sont beaucoup trop grandes, d'où l'intérêt toujours vif qu'il faut prêter à notre propre système pour comprendre les autres. C'est pour cela que vous êtes rendu au LATMOS, le Laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale, pour vous intéresser à une future mission vénusienne. Tom Humdenstock, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est un spectro-imageur qui sera à bord de la mission Envision, encore en compétition pour être envoyé dans l'espace par l'Agence Spatiale Européenne d'ici 2032. L'instrument n'ira donc pas examiner une exoplanète, mais orbiter autour de notre voisine Vénus. Le but est de savoir si les changements dans la composition de son atmosphère sont dus à une activité volcanique ou non. On apprendrait ainsi à déduire ce qu'il se passe en dessous des nuages des exoplanètes qui ressemblent à Vénus grâce à des modélisations. Car vu depuis leur haute atmosphère, Vénus et la Terre paraissent très semblables. Le but sera donc d'apprendre à faire la différence au moment d'analyser leurs jumelles bien plus lointaines dans d'autres systèmes planétaires. Alors Vésus, c'est un spectro-imageur dans l'ultraviolet. Il est dédié en fait à l'étude de la haute atmosphère de Vénus. Et son objectif, c'est de déterminer s'il y a des composés gazeux qui proviennent de la sous-surface, donc volcanique, qui se retrouvent dans l'atmosphère et de voir comment se retrouve cette activité potentiellement volcanique dans l'atmosphère. Donc c'est une mission qui doit être envoyée dans une dizaine d'années. On est à quel stade aujourd'hui ? En fait, là, on est à un stade tout à fait embryonnaire, à savoir que le projet a démarré mi-2018 et effectivement, le lancement est prévu pour 2032 et pour un début de l'activité scientifique en 2035. Donc, c'est vraiment des échelles de temps très importantes. Et donc là, voilà, on est vraiment dans l'évaluation de la faisabilité de l'instrument et de la mission. Et donc, on étudie les différentes technologies qui sont possibles pour développer cette mission. Donc, on a des prototypes pour faire ça ? Alors tout à fait. Alors en fait, tout au long du développement instrumental, on développe tout un tas de prototypes. Aujourd'hui, on est vraiment dans un prototype très préliminaire où on va même pas développer un prototype complet de l'instrument, mais des petits bouts là où effectivement il peut y avoir des points technologiques un peu sensibles pour vérifier que tout se passe bien en gros. Voilà. Okay. Et là, on a un prototype sous les yeux. Est-ce que vous pouvez le décrire un petit peu à quoi il ressemble ? Ce qu'on voit, c'est l'objectif en fait de l'instrument. C'est vraiment un objectif optique composé de lentilles avec un détecteur qui est à l'arrière de l'objectif. Et en fait, là, tout le jeu, c'est de venir illuminer l'objectif pour déterminer si cet objectif est bien performant comme nos simulations optiques le prédisent. Alors, en l'occurrence, l'instrument qu'on voit, il va plutôt faire ça sur la gamme ultraviolette, donc de l'ultraviolet au proche bleu, on va dire, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ce spectre, ensuite, il est transféré sur un détecteur qui, lui, va faire les mesures, quoi. L'instrument tel qu'il est conçu là est vraiment conçu pour répondre à des questions qui concernent spécifiquement Vénus, mais la mission elle-même d'exploration de Vénus, qui embarque cet instrument ainsi qu'un radar et ainsi que d'autres instruments, est vraiment, elle, conçue pour étudier Vénus dans un cadre de planétologie comparée plus vaste et incluant les exoplanètes. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'autant les conditions de la surface sont différentes, mais autant les couches supérieures des deux atmosphères de Vénus et la Terre ne sont pas si différentes. Et donc, quand on regarde les exoplanètes de loin, on voit uniquement la partie supérieure des atmosphères en ce qu'on appelle lors des transits, avec les mini-éclipses des planètes qui passent devant leur étoile. Et à l'heure actuelle, on n'est pas sûr de savoir bien distinguer donc une exo-Vénus d'une exo-Terre, du fait de la relative similarité des hautes atmosphères. Et donc, plus on en comprend, plus on observe la haute atmosphère de Vénus en comparaison à celle de la Terre, mieux on sera capable de détecter les subtiles différences qu'il peut y avoir pour savoir à quel genre d'exoplanète on a affaire. On a des spectres observés vraiment par les instruments, qui sont des spectrographes en orbite autour de Vénus. Et pour remonter aux caractéristiques de l'atmosphère de Vénus, sa température, la composition, la quantité des différents gaz, on compare ces spectres mesurés à des spectres modélisés par ordinateur, où on essaie de dire, bon, bah, si on met théoriquement telle quantité de gaz dans une atmosphère éclairée par le soleil, voilà ce qu'on devrait voir. Et la comparaison entre ce qu'on devrait voir et ce qu'on voit permet à la fin, en ajustant les paramètres, de remonter à ce qu'on a aux mesures sur la planète elle-même. Pourquoi est-ce que c'est le dioxyde de soufre qu'on mesure plus particulièrement ? Alors, parce que c'est effectivement un gaz qui, sur Terre, est d'origine volcanique. C'est un des composants majoritaires des fumées volcaniques terrestres à part la vapeur d'eau. Et on s'intéresse à ces mesures plus précisément parce qu'on sait que ce gaz est variable au niveau du sommet des nuages de Vénus par les mesures qui ont été faites depuis les années 1980. Et donc maintenant, on voudrait aller plus loin et vraiment comprendre complètement cette variabilité qui a été donc déjà découverte mais pas encore caractérisée entièrement. Et il faudrait la caractériser mieux afin de comprendre ce qui fait varier ce gaz. Est-ce que c'est juste des mouvements atmosphériques ou est-ce qu'il y a un forçage volcanique, comme on dit en dessous, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait introduire ce gaz dans l'atmosphère à différents endroits plutôt qu'à d'autres. Voilà. En gros, il faut apprendre à comprendre pourquoi il y a des évolutions et des échanges de gaz sur des planètes comme Vénus pour ensuite les modéliser et pouvoir l'appliquer plus tard aux exoplanètes dont on pourra mesurer les émissions lumineuses. Voilà, c'est effectivement, on part en plusieurs temps. D'abord, on a la chance d'être dans un système solaire avec beaucoup de planètes assez différentes les unes des autres qui nous fournissent vraiment des cas prototypes, on va dire, en tout cas des archétypes planétaires. On essaie de les comprendre le plus en détail possible, de comprendre en particulier comment ces planètes qui pourraient être semblables par certains côtés diffèrent par d'autres côtés. Et une fois qu'on a vraiment avancé dans l'état de nos connaissances dans le système solaire, on peut ensuite extrapoler ça à partir des quelques informations très très parcellaires qui nous proviennent des exoplanètes. Ça, ce serait vraiment une découverte majeure si on était sûr que telle exoplanète qu'on ait détectée soit une jumelle de la Terre. Et donc pour faire ça, il faut absolument éliminer tous les faux positifs ou tous les faux candidats qu'on pourrait avoir. Et Vénus serait effectivement un faux positif presque parfait de la Terre. Si on le regardait à grande distance, on aurait beaucoup de mal à les distinguer. Et plus on en sait sur Vénus, plus on pourra effectivement voir si les exoplanètes de type terrestre qu'on observe sont finalement des jumelles de Vénus ou des jumelles de la Terre. Voilà comment imaginer ce que peuvent être les autres exoplanètes à partir de nos modèles ici à côté dans le système solaire. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre, Anne-Marie Lagrange ? Oui, une réaction, c'est que c'est évidemment très intéressant. Il y a un paramètre qui manque toujours, c'est le. Je pense que avec cette approche, on rate un peu. Il est possible de rater de la diversité d'une part, et il manque un paramètre, c'est le paramètre temps. L'atmosphère de la Terre n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui. L'atmosphère de Vénus non plus. Et il ne faut pas penser que en ne regardant que les planètes du système solaire, on va pouvoir comprendre la diversité des exoplanètes. C'est un exemple, le système solaire. Le fait que les planètes soient proches fait qu'on peut les étudier de manière très précise. Ça nous donne des cas possibles, mais il ne faut pas penser que tous les cas sont comme celui-là. Mmh. Franck Celsis. Oui, en fait, c'est un aller-retour constant, ce que l'on apprend du système solaire. Et des cas que l'on y trouve, qu'il y a un tout petit échantillon de la diversité des planètes que l'on peut avoir, ça nous permet de comprendre c'est tout ce qu'on a pour l'instant pour comprendre les systèmes exoplanétaires, mais en retour, les observations des systèmes exoplanétaires qui vont se faire sur des étoiles de types différents, à des âges différents, comme le disait Anne-Marie, ça nous aide aussi à comprendre le système solaire et l'observation des Jupiters chauds, par exemple, à déverrouiller complètement la modélisation de la formation du système solaire en nous forçant à comprendre la migration, c'est-à-dire le fait que les planètes ne se forment pas à l'endroit où on les observe à un instant donné. Donc c'est un aller-retour constant entre ce qu'on apprend du système solaire et ce qu'on apprend des exoplanètes. Et justement, à propos de l'évolution de la formation des systèmes solaires, on a parlé du système Trappiste 1, on va parler d'un autre système sur lequel vous avez travaillé, Anne-Marie Lagrange, Beta Pictoris, et qui a une particularité absolument passionnante, c'est que c'est un système avec un disque proto-planétaire en formation, c'est un système extrêmement jeune. Alors c'est ça, c'est beaucoup d'autres choses. Betapic, c'est un objet historique, dans le sens où c'était le premier système autour duquel on a mesuré, on a détecté un disque. Ça a été aussi le premier système sur lequel, dans les années, fin des années 80, On a détecté la présence de comètes, alors qu'on pensait qu'il y avait des comètes seulement autour du Soleil. Et c'est aussi un des premiers systèmes dans lequel on a détecté vraiment des planètes. Donc c'est un laboratoire unique pour nous de l'étude de la formation des systèmes planétaires, parce que c'est le seul système qui est tout ça à la fois. Et vous avez, vous et vos équipes, justement, découvert, en tout cas observé, deux exoplanètes autour de cette étoile. Il y a une étude publiée tout récemment qui montre qu'au mois d'octobre dernier, qui fait état de la lumière propre d'ailleurs de l'une de ces deux exoplanètes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ce système Beta Pictoris nous raconte, non seulement sur la formation des systèmes solaires, mais également ce que sont ces exoplanètes et quel est le niveau d'information dont on dispose suite à ces travaux? Je crois qu'il faut déjà rappeler quelque chose qui est unique aussi, c'est que il y a deux planètes, comme vous l'avez dit. La première qu'on a détectée et qu'on a découverte, on l'a découverte en imagerie directe. Donc on a vu la lumière de la planète et on la suit maintenant. On a des images de cette planète qui c'est la seule planète en fait dont on voit l'orbite autour de son étoile sur les trois quarts de son orbite. Et pourtant, on est à 60 années-lumière de notre système solaire, hein, c'est à une soixantaine, un peu plus. On est à 60 années-lumière, mais la planète est à peu près à la même distance que Saturne autour du Soleil. Donc, ça veut dire qu'elle fait un tour à peu près en une vingtaine d'années. Et nous, on a des images qui, depuis 17 ans, en gros. Donc, cette image Betapic B, donc la première qu'on a détectée, c'était en imagerie. Et Betapic C, on l'a détectée en utilisant une méthode indirecte, la méthode des vitesses radiales dont on parlait tout à l'heure. Alors ça, c'était beaucoup plus difficile. Enfin, les deux détections étaient extrêmement difficiles, mais la seconde était particulièrement difficile parce que l'étoile est une étoile chaude. Elle fait deux fois la masse du Soleil et, comme on l'a vu, vous l'avez dit, c'est une étoile jeune qui fait quelques 20 millions d'années. Très très jeune. Très très jeune, mais c'est pour ça qu'elle nous permet d'étudier la formation des systèmes planétaires. Et de comprendre comment ils se forment, comment ils évoluent. Alors que si on regarde par exemple le système solaire tel qu'il est aujourd'hui, ça va être très difficile de remonter à ce qu'il était il y a plus de 4 milliards d'années. Et quelles sont les informations justement dont on dispose sur ces deux exoplanètes Beta Pictoris B et C? Quel type d'exoplanètes sont-elles? Est-ce qu'elles sont complètement formées? Est-ce qu'elles sont encore en cours de formation? Est-ce que d'autres planètes peuvent s'agréger, coalescer en quelque sorte dans ce disque protoplanétaire? Que peut-on en dire aujourd'hui, Anne-Marie Lagrange? Alors, les deux planètes, on sait qu'il n'y a pas d'autres planètes qui sont plus de trois fois la masse de Jupiter. Là, Betapic B fait une dizaine de masses de Jupiter, Betapic C fait à peu près 8 masses de Jupiter, ce qui est considérable. Hein. Et on sait qu'il n'y a pas de planètes plus massives que ça. Elles ne sont vraiment pas, vraisemblablement pas en train d'accréter des quantités importantes de gaz, parce que le disque qu'on voit n'est pas un disque protoplanétaire, mais plutôt le résidu de la formation des planètes. Donc s'il y a des planètes aujourd'hui encore en formation, ce sont des planètes telluriques, mais pas des planètes géantes. Il n'y a plus assez de matériel, il n'y a plus assez de gaz autour pour les former. Et par exemple, ce système a montré que les planètes, il y avait des modèles hein, qui prévoyaient les temps de formation des planètes géantes, mais l'observation de Betapic à 10 millions d'années a montré que oui, les planètes géantes se formaient extrêmement vite, en moins de 20 millions d'années, vraisemblablement en moins de 5 ou 5 millions d'années même. Quelles sont les observations que l'on peut imaginer? Je le disais, on attend cette année le lancement du James Webb Space Telescope. Aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez sur ce système Beta Pictoris et quelles sont les autres informations? On comprend bien qu'à 20 millions d'années, il est assez peu probable et que là, l'intérêt n'a pas grand-chose à voir avec de la biosignature ou des traces de vie. Mais qu'est-ce qu'on peut continuer à apprendre en regardant ce système en train de se former, ce système aussi jeune, Anne-Marie Lagrange? On peut apprendre comment les planètes vont interagir dynamiquement les unes avec les autres. Le jour où on sera capable d'observer des terres autour de Bétapic, on verra où elles sont, comment la présence de planètes très massives autour a pu vraisemblablement interagir dynamiquement, avoir un impact sur l'architecture globale du système planétaire. On va comprendre des aspects aussi liés à la chimie, à la composition des poussières autour du disque, qui vont nous renseigner sur donc la composition de la matière primordiale. On veut aussi savoir la composition des atmosphères de ces planètes. Franck a évoqué un petit peu l'intérêt de comprendre l'atmosphère des planètes. Avec des planètes qui sont un peu loin, comme les planètes de Bétapic, on a déjà montré qu'il y avait du monoxyde de carbone, qu'il y avait de l'eau dans l'atmosphère de ces planètes. Donc en fait, on sert de laboratoire aussi à des techniques plus compliquées pour connaître l'atmosphère. Et on arrive malheureusement au terme de cette émission, puisqu'on va retrouver Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences qu'on n'a pas pu avoir au début de l'émission pour un petit souci technique. Mais on continuera à reparler, et notamment en espérant son lancement cette année, des différentes formes d'observation de l'espace des exoplanètes grâce à des nouveaux objets, à des nouveaux télescopes. Mais tout de suite donc, on essaie de retrouver tardivement le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal, Antoine Beauchamp, êtes-vous là ? Bonjour Nicolas. Il est là cette fois-ci, c'est bon. Après le variant du Royaume-Uni, Antoine, le variant sud-africain du SARS-CoV-2 fait l'objet de toute l'attention des scientifiques. Oui, après le variant décrit mi-décembre au Royaume-Uni, celui détecté en Afrique du Sud doit aussi être étudié avec attention. Ce que l'on sait pour l'heure, c'est que ce variant appelé 501.V2 est désormais majoritaire en Afrique du Sud, qu'il a été détecté dans des échantillons au mois d'octobre, puis qu'il a été repéré dans quelques autres pays du monde, notamment le Royaume-Uni et la France. Le 31 décembre, l'OMS affirmait de son côté que des études préliminaires montraient chez ce variant sud-africain une plus forte charge virale, ce qui pourrait, j'insiste sur le conditionnel, impliquer un plus fort taux de transmissibilité. Par ailleurs, et c'est là que l'attention des scientifiques se concentre, il semblerait que plusieurs mutations affectent la protéine de surface, la fameuse protéine S, qui permet au virus de s'accrocher à la cellule et qui est la protéine ciblée en priorité par les vaccins utilisés en ce moment. L'une de ces mutations, repérée dans le variant sud-africain, baptisée E484K n'est pas présente dans le variant du Royaume-Uni. Elle diminuerait la reconnaissance par les anticorps et permettrait au virus de contourner la réponse immunitaire établie par une première infection ou par une vaccination. Si cet élément doit être pris très au sérieux, les scientifiques rappellent qu'il est important de garder son calme et de ne pas tout de suite affirmer que les vaccins seront inefficaces. BioNTech, Pfizer et Moderna ont déjà commencé à tester l'efficacité de leurs vaccins contre ce variant. Des études et des confirmations expérimentales sont attendues pour lever toutes les interrogations. Patience et longueur de temps, vous connaissez la suite. Oui, la suite, ce sera notamment demain dans notre émission consacrée justement au suivi de cette épidémie de Covid, puisqu'on parlera précisément des mutations des variants, le variant anglais, le variant sud-africain, l'origine du virus. Voilà, ce sera demain dans la méthode scientifique. On passe au bref. Le radiotélescope d'Arecibo, effondré début décembre, pourrait renaître de ses cendres, Antoine. Oui, le gouvernement de l'île de Porto Rico, où se situe l'observatoire, a annoncé il y a peu l'investissement de 8 millions de dollars pour la reconstruction du radiotélescope. Alors qu'une pétition militant pour cette reconstruction a déjà recueilli 100 000 signatures, les choses se mettent progressivement en place pour qu'Arecibo redevienne un centre majeur de la recherche en radioastronomie. Par ailleurs, ces opérations de consolidation et de nettoyage ont déjà commencé sous la supervision de la Fondation nationale des sciences, qui est propriétaire de l'observatoire. L'espoir renaît pour la tortue la plus rare du monde. La tortue à carapace molle du Yangtze, la tortue la plus menacée du monde, a officiellement été repérée au Vietnam. Et ce qui est encore une meilleure nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une femelle. Les chercheurs espèrent que cette nouvelle tortue pourra s'accoupler avec le dernier mâle connu de la planète, vivant dans le zoo de Suzhou en Chine, offrant ainsi un nouvel espoir pour sauver l'espèce. Et enfin, un nouveau pas a été franchi vers l'Internet quantique. Oui, une équipe américaine regroupant entre autres des chercheurs du Fermilab et de la NASA a réussi à téléporter une information quantique, en l'occurrence plusieurs qubits d'une particule à une autre, grâce à un câble de fibre optique sur la plus longue distance jamais parcourue, 44 km, et ce avec un taux de réussite de 90%. Alors ça fait plusieurs années que des recherches sont menées sur la téléportation d'informations quantiques dans le but de parvenir à la transmission quasi instantanée d'informations, et la distance est un enjeu majeur. On avait déjà réussi à téléporter des qubits sur de courtes distances, Mais plus cette distance s'accroît et plus le phénomène de décohérence, c'est-à-dire la perte des effets quantiques, s'accentue. La mise en place d'un réseau du futur dans le domaine de la communication, de l'informatique et du stockage de données vient donc de franchir une nouvelle étape. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve demain en début d'émission pour le prochain Journal des Sciences. Merci à mes deux invités, Anne-Marie Lagrange et Franck Celsis, pour être venus nous parler de leur système propre d'exoplanètes. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, c'était Jacques Azubert aujourd'hui à la technique. Demain, je vous l'ai dit, émission spéciale variants et mutations du Covid à 16h jusqu'à preuve du contraire.